tous n'y voient que du feu. Ça fait un bail que t'as pari franchement. T'en perds la voix, t'en dis peu, mais tu vis étrangement. Ton cœur est froid, dans tes yeux, l'envie de baiser la terre. Elle tente de chasser tes vœux, t'apprendre à mieux baisser la tête. Évidemment qu'il n'y a pas d'entraide. Tu leur feras savoir que c'est pas ton genre de battre en retraite. De quitter les lieux quand ça foire, tu seras fort. T'écris ça comme un commandement. Repousser la grisaille, les mauvais actes et les gros manquements. Force de passer l'hiver, ça c'est des pensées diverses. À suivre le sens de l'ivresse, t'en perds les notions de bonté. Tu dois surmonter, attendre que passe l'averse. T'apprends que le sens des vers t'empêche l'émotion de monter. Tu peux te contenter des miettes que l'on te jette. D'une langue fière à contempler, ni même que l'on te gêne. C'est dans ta chair au plus profond que tu ressens ce pic qui ronge. Ça coûte pas cher et peu importe ce qu'ils diront. Ce n'est qu'un jour où t'es au plus bas, que t'as le moral dans les baskets. T'avances, tu recules pas, traîne plus bas sous la casquette. Ton ciel est gris sans couleur pastel. Ça fait longtemps que tu le cries, que tu l'écris, la douleur pastel. Qu'un jour où t'es au plus bas, que t'as le moral dans les baskets. T'avances, tu recules pas, traîne plus bas sous la casquette. Ton ciel est gris sans couleur pastel. Ça fait longtemps que tu le cries, que tu l'écris, la douleur pastel. Ça fait un bail que tu camoufles tes plaies avec du fil à retordre. Dans l'air coupable, ce qui tient qu'à nous déplaît comme l'air coupable lorsque tu vis hardcore. Mais tant tu d'être au calme en t'attirant les foudres, en t'attirant les fous, mais sans excès de colère, même quand tu les proclames insensés, mais je tolère. La coupe est pleine, donc le trop plein déborde. Quand t'es trop blindé d'or et stop là toutes tes peines sinistres. Il faudrait faire l'effort de s'imposer les contraintes au lieu de vouloir jouer les fiers et forts à causer les contraintes. En bref, tu rêvasses ton futur et la trentaine te guette. Une vraie place au plus dur, espérer le rendre belle à tranquille quelques dettes. Ou chaque erreur que tu trouves à rafistoler, mène dans ce trois rafis cogné par le remords et sa terreur et ce mal qui ronge. C'est ce foutu mode de vie que t'idolâtrais tant. Tes peines se maquilleront des sourires de petits cons la traitant. Perds pas de vue l'étoile qui te dirige dès que t'avances sans répit. C'est le ras-le-bol général qui rime avec des cadences sans repeat. Ce n'est qu'un jour où t'es au plus bas, que t'as le moral dans les baskets. T'avances, tu recules pas, traîne plus bas sous la casquette. Ton ciel est gris sans couleur pastel. Ça fait longtemps que tu le cries, que tu l'écris, la douleur pastel. Qu'un jour où t'es au plus bas, que t'as le moral dans les baskets. T'avances, tu recules pas, traîne plus bas sous la casquette. Ton ciel est gris sans couleur pastel. Ça fait longtemps que tu le cries, que tu l'écris, la douleur pastel.